La Fondation sud-coréenne à la mémoire de la justice pour la solution du problème d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise a organisé le 14 à la place Chung-ge à Séoul une conférence de presse à prompton du journal internet Tonglius. Les orateurs ont réclamé aux actuelles autorités d'annuler l'accord sur le problème d'esclavage sexuel, catastrophe diplomatique du gouvernement de Bakounet, et de dissoudre la Fondation pour la réconciliation et le rétablissement d'honneur, et appeler les citoyens à participer à la collecte de fonds pour que le gouvernement rembourse 1 milliard de yens reçus du gouvernement japonais.